إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on est au cours numéro 28 dans la série des durus de Al-Mulakhas al-Fiqhi par le Cheikh Salih al-Fawzan. Et on arrive aujourd'hui à la question de Salat al-Musafir. Donc le Cheikh il dit ثالثا صلاة المسافر إلزي من أهل الأعذار المسافر ومن أهل الأعذار المسافر فيشرع له قصر الصلاة الرباعية من أربع إلى ركعتين كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. Naam, le cheikh il dit que comme troisième point parmi les gens qui ont une excuse pour raccourcir leur prière ou bien diminuer dans les obligations et les piliers de la prière, il y a la prière du voyageur. Et donc ils sont excusés et le cheikh il dit que il est permis pour eux de raccourcir la prière des prières qui ont 4 rak'at, c'est permis de les raccourcir à deux rak'a au lieu de faire 4. Donc le cheikh dit que ça c'est prouvé par le Coran, par la sunna et par le consensus des ulama. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit: et lorsque vous voyagez sur la terre, alors il n'y a aucun problème pour vous de raccourcir de votre prière. Le verset 101 dans surat An-Nisa. Le cheikh il dit ensuite: wa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam lam yusalli fi as-safar illa qasran والقصر أفضل من الإتمام في قول جمهور العلماء وفي الصحيحين فرضت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيدت صلاة الحضر وقال عمر صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر. Donc le cheikh il répond, il continue, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais prié en voyage excepté en raccourcissant les rak'as. Au lieu de faire 4, il faisait 2. Et il dit que le qasr, c'est-à-dire de raccourcir les prières, c'est meilleur que de faire la prière complète comme on le fait quand on voyage pas. Et ça c'est la parole de la majorité des ulama. Ensuite il dit que dans Sahihain, dans Al-Bukhari et Muslim, ça a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les prières ont été ordonnées au début, rak'atayn, en voyage ou non. Puis, par la suite, c'est resté comme ça pour les prières en voyage. Puis on a augmenté les prières de 2 rak'at lorsqu'on était, disons, en ville et non en voyage. Donc ça c'est rapporté par Al-Bukhari Muslim selon Aisha radiallahu anha. Et puis Omar ibn al-Khattab il a dit que la prière du voyage est de 2 rak'at. Et ça, c'est considéré comme étant une prière complète. Celui qui a prié 2 rak'at durant le voyage, c'est comme s'il a complété sa prière. il n'a pas à faire plus que deux rak'a. Donc, alhamdulillah. Donc ça, c'est cette parole de Omar, elle est rapportée par An-Nasa'i ibn Majah et elle est déclarée sahih par Sheikh Al-Albani. Ensuite, le Sheikh dit: يبدأ القصر بخروج المسافر من عامر بلده لأن الله أباح القصر لمن ضرب في الأرض قبل خروجه من بلده لا يكون ضاربا في الأرض ولا مسافرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقصر إذا ارتحل لأن لفظ السفر معناه الإسفار أي الخروج إلى الصحراء ويقال سفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته فإذا لم يبرز إلى الصحراء التي ينكشف فيها من بين المساكن لم يكن مسافرا. Donc le cheikh il explique ici à partir de quand on commence à raccourcir les prières, et il dit que c'est lorsque le voyageur sort des limites des maisons, là où il y a des habitations. Donc là, lorsqu'il est arrivé à l'endroit où il n'y a plus d'habitation et il continue son chemin comme ça, c'est-à-dire à partir de ce moment-là, c'est permis pour lui de raccourcir sa prière, parce que c'est à partir de ce moment-là qu'il est en voyage. Toutefois, avant de sortir des endroits où les maisons, où il y a beaucoup de maisons, eh ben, il n'a pas encore été considéré comme étant un voyageur. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait seulement raccourcir ses prières lorsqu'il était déjà parti. Hein? Et le cheikh il dit que lorsqu'on dit le mot safar en arabe, ça signifie de sortir vers le désert. Hein? C'est comme lorsqu'on dit aussi safaratil mar'a an wajhiha, c'est-à-dire lorsque la femme a enlevé le voile de son visage, on dit qu'elle a safarat, c'est-à-dire qu'elle a elle est devenue découverte, hein, elle est à découvert. Aussi, on utilise le mot safar comme lorsqu'on dit, par exemple, lorsqu'une personne est partie vers le désert, elle est à découvert parce qu'il n'y a plus de maison qui peut la cacher, donc, c'est-à-dire qui peut cacher cette personne. Donc, elle est à découvert et donc c'est de là que vient le mot safar. Et lorsqu'une personne donc est arrivée dans un endroit désert où il n'y a plus de demeure et de maison, et bien là il est appelé un voyageur, un musafir. Donc le cheikh il dit: ويقصر الصلاة ويقصر المسافر الصلاة ولو كان يتكرر سفره كصاحب البريد والسيارة الأجرة ممن يتردد أكثر وقته fait tariqi bain al-baldan, bain al-buldan. Le cheikh il dit que la personne qui par exemple a l'habitude de faire souvent des voyages, même si par exemple comme quelqu'un qui transporte la poste ou bien quelqu'un qui conduit une voiture de location, ou bien comme par exemple on dit un taxi ou bien un autobus voyageur ou quelque chose comme ça, même si cette personne là elle voyage constamment, c'est permis pour cette personne-là quand même de raccourcir sa prière. Ça veut dire que même si la personne le fait constamment, ça c'est valable quand même. C'est pas nécessaire que ce soit une chose qui arrive une fois de temps en temps. Même si la personne elle voyage toujours entre deux villes, elle continue à raccourcir ses prières tant qu'elle est en voyage. Le cheikh il dit: ويجوز للمسافر الجمع بين الظهر والعصر والجمع بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما فكل مسافر يجوز له القصر فإنه يجوز له الجمع وهو رخصة عارضة يفعله عند الحاجة كما إذا جد به السير. Donc le cheikh il dit qu'il est permis pour le voyageur de réunir deux prières, comme le Dhuhr et le Asr, et de réunir également entre le Maghrib et l'Isha. Lorsqu'il est, par exemple, dans un voyage, il a le droit non seulement de raccourcir sa prière, mais de les réunir ensemble. Et on a donné l'exemple. C'est soit le Dhuhr et l'Asr ensemble, ou bien soit le Maghrib et l'Isha ensemble. Et c'est dans le temps d'une de ces deux prières. C'est-à-dire, il peut réunir le Dhuhr et l'Asr dans le temps de Dhuhr ou bien la retarder dans le temps, les deux, dans le temps de Asr et les faire ensemble. La même chose pour le Maghrib, il peut faire le Maghrib et l'Isha en avance dans le temps de Maghrib, ou bien il peut les retarder les deux et les faire les deux ensemble dans le temps de Isha. D'accord? Et donc, toute personne qui est en voyage, hein, il est permis pour lui de raccourcir, et il est aussi donc permis pour lui de réunir ses prières. Et c'est une permission qui se présente, hein, et qu'on peut le faire lorsqu'il y en a un besoin. Lorsqu'il y a un besoin de le faire, on peut les réunir. Le cheikh, il dit, donc si par exemple il doit partir et il veut partir dans le voyage et tout, il veut avancer, hein, ben c'est ça, il peut utiliser il peut utiliser cette permission là dans la charia pour faciliter son voyage. Le cheikh il dit wa yajuzu lil musafir. Ah oui, il mentionne un hadith, il dit lima rawa Mu'adh radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana fi ghazwat Tabuk إذا ارتحل قبل زيل الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد زيل الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Donc ça c'est un hadith rapporté selon Mu'az, hein, par l'imam Abu Dawud et Tirmizi, et c'est un hadith sahih, hein, le Cheikh Al-Albani a mentionné qu'il est authentique. Et qu'est-ce qu'il dit ce hadith? Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était parti à la bataille de Tabuk, si il durant son expédition, si il avait l'intention de partir avant que le soleil et quitter le zénith, hein, et commencer à descendre, à dépasser le zénith, hein, s'il voyageait donc avant ça, c'est-à-dire avant le Dhuhr, eh ben il retardait le Dhuhr pour la réunir avec le Asr et les prier ensemble. Ça c'est s'il partait avant la prière de Dhuhr. Et il dit par contre s'il partait en voyage après le Dhuhr, alors il faisait le Dhuhr et l'Asr ensemble, puis ensuite il partait. Et le cheikh il dit que lorsque il partait par exemple dans le voyage, dans l'expédition, s'il partait, qu'il repartait avant le Maghrib, alors dans ce cas-là, il retardait le Maghrib et il priait avec l'Isha plus tard. Toutefois, s'il partait après le Maghrib, alors il faisait le Maghrib et l'Isha ensemble et puis il continuait son chemin, il partait, hein? Donc ça c'est un hadith rapporté comme on a dit par Abu Dawud et At-Tirmidhi. Ensuite le Cheikh il dit وَإِذَا نَزَلَ الْمُسَافِرُ فِي أَثْنَاءِ سَفَارِهِ لِلْرَاحَةِ فَالْأَفْضَلُ لَهُ أَنْ يُصَلِّ كُلَّ صَلَاةٍ فِي وَقْتِهَا قَصْرًا بِلَا جَمْعٍ. Le Cheikh il dit que si le voyageur s'arrête durant son voyage pour se reposer, le mieux c'est qu'il prie chaque prière dans son temps sans en les raccourcissant, toutefois sans les réunir. C'est-à-dire si c'est possible pour lui de faire ses prières, chacune d'elles, dans son temps, eh bien il n'a pas besoin dans ce cas-là de les réunir. Mais il les réunit ensemble seulement si il a besoin de le faire. Le Cheikh dit ويباح الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء للمريض الذي يلحقه بترك Al-Jam'i Mashaqqa. Le Cheikh il dit que c'est également permis de réunir deux prières, comme par exemple Al-Asr et Al-Maghrib, Al-Dhuhr et Al-Asr et Al-Maghrib et Al-Isha, pour une personne qui est malade par exemple. Lorsqu'une personne est malade, hein, si il a de la difficulté, si il ressent quelques difficultés à faire ses prières, chacune d'elles séparément, dans son temps, eh ben si ça lui facilite les choses, le fait de les prier ensemble, alors dans ce cas-là, il est réuni. Le Cheikh il cite ensuite les paroles de l'imam Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, et il dit innama, hein, قال Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah innama kana al-jam'u li raf'i al-haraj 'an al-umma فإذا احتاجوا الجمع جمعوا والأحاديث كلها تدل على أنه يجمع في الوقت الواحد لرفع الحرج عن أمته فيباح الجمع إذا كان في تركه حرج وقد رفعه الله عن الأمة وذلك يدل على الجمع للمريض الذي يحرج صاحبه بتفريق الصلاة بطريق نعم بتفريق الصلاة بطريق الأولى والأحرى. Donc le Cheikh Ibn Taymiyyah il dit que le fait de réunir les prières, ça a été établi pour faciliter la tâche à la Umma, pour que les choses soient plus faciles, pour éliminer les difficultés. Et donc, lorsqu'ils ont besoin de réunir des prières, ils peuvent le faire. Ils doivent réunir les prières. Et les hadiths nous montrent à ce sujet-là qu'on réunit deux prières dans le temps d'une des deux pour enlever les difficultés à la Umma. Et donc, c'est permis de réunir les prières si, dans le fait de ne pas le faire, ça amène une difficulté. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc, a voulu enlever pour la Umma al-haraj, c'est-à-dire tout ce qui a rapport avec l'embarras et la difficulté pour les musulmans. Et donc le cheikh il dit que ça montre que c'est permis pour quelqu'un qui est malade et qui ressent une difficulté du fait de séparer ses prières, et bien il les fait réunis, comme on a dit, le dhuhr avec le asr et le maghrib avec le isha. وقال أيضا يجمع المرضى كما جاءت بذلك السنة في جمع المستحاضة فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالجمع في الحديثين في حديثين. الشيخ il rapporte il continue la citation de Ibn Taymiyyah et il dit que pour le malade il peut réunir les prières comme c'est rapporté dans la sunna pour la femme qui a constamment des écoulements de sang en dehors de ses règles ordinaires, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait ordonné de réunir ces deux prières. Hein? Donc, ça montre que pour une personne qui est malade, c'est permis de réunir ses prières. Et il dit وَيُبَاحُ الْجَمْعُ لِمَنْ يَعْجِزُ عَنِ الطَّهَارَةِ لِكُلِّ صَلَاةٍ كَمَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ أَوْ جَرْحٌ لا يرقى دمه أو رعاف دائم وقياسا على المستحاضة وقد قال عليه الصلاة والسلام لحمنة حين استفتته في الاستحاضة وإن قويتي على تأخر الظهر وتعجلي العصر وإن قويتي على أن تؤخر الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. نعم. Donc ça c'est un hadith qui est aussi authentique. Et le cheikh il dit qu'il est permis pour la personne qui n'est pas capable de garder sa purification ou de faire sa purification pour chaque prière, comme par exemple quelqu'un qui souffre d'incontinence, c'est-à-dire il ne peut pas se retenir son urine, ou bien qu'il y a une plaie ou une blessure qui fait toujours sortir du sang constamment, ou bien comme quelqu'un qui a constamment des saignements de nez, ou bien par exemple, des gens qui ont toujours des écoulements de sang, et ça c'est par analogie avec la femme qui a des écoulements de sang aussi, comme al-istihada, comme on avait parlé dans le chapitre de la purification. Et le cheikh il dit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné comme réponse à Hamna, lorsqu'elle lui a posé les questions au sujet des écoulements de sang, il a dit, si tu es capable de retarder le dhuhr ou bien d'avancer le asr, alors tu fais ton ghusl, tu te laves et tu fais ta prière de dhuhr et de asr ensemble, et ou bien puis ensuite tu retardes le maghrib ou tu avances le isha et tu fais ton ghusl et tu les pries ensemble. Alors si tu es capable de faire ça, fais-le. Hein, et donc non, ça c'est ce hadith qu'on a mentionné. Ensuite Cheikh dit wa yubahu al-jam'u bayna al-maghrib wa al-isha khassatan li husul al-matar wa yabullu al-thiyaba wa tujadu ma'ahu mashaqqatun لأنه عليه الصلاة والسلام جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة وفعله أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. Et ça c'est ensuite le cheikh il dit que c'est permis pour les gens également de réunir la prière de Maghrib et de Isha en particulier lorsqu'il y a beaucoup de pluie et que ça mouille les vêtements et que les gens trouvent beaucoup de difficultés à cause de ça, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait ça déjà, réunir le Maghrib et l'Isha ensemble dans une nuit qui avait beaucoup de pluie, et également Abu Bakr et Omar l'ont fait. Et l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim, et également la parole de en ce qui concerne Abu Bakr et Omar et le fait qu'ils l'ont fait eux aussi, ça c'est rapporté par le Musannaf de Abdurrazzaq As-Sun'ani. Ensuite le cheikh il dit قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجوز الجمع للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة في الليلة الظلماء ونحو ذلك وإن لم يكن المطر نازلا في أصح قولي العلماء وذلك أولى من أن يصلوا في بيوتهم بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة إذ السنة أن تصلى الصلوات الخمس في المساجد جماعة وذلك أولى من الصلاة في البيوت باتفاق المسلمين والصلاة جمعا في المساجد أولى من الصلاة في البيوت مفرقة باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع كمالك والشافعي وأحمد. Donc le Cheikh Ibn Taymiyyah il dit il est permis de réunir les prières lorsqu'il y a de la boue ou bien un vent très fort qui est froid, lorsque c'est la nuit et qu'il fait très noir, des choses comme ça, même s'il n'y a pas de pluie qui tombe. Et ça, c'est la position la plus correcte parmi les positions des ulama. Et il dit le cheikh que même que c'est préférable de faire ça, de réunir les deux prières de Isha et de Maghrib et de Isha, plutôt c'est préférable de faire ça plutôt que de prier dans la maison. Il dit que d'abandonner le fait de réunir les deux prières et de prier dans les maisons, c'est une bid'a contraire à la sunna. Donc, il dit parce que la sunna, c'est de prier les cinq prières dans la mosquée, en groupe, réunis. Et donc, c'est-à-dire de prier les prières ensemble dans la mosquée. Et non, c'est-à-dire que je dis ensemble, c'est-à-dire que les gens prient ensemble dans la mosquée. Et donc, le cheikh, il dit que c'est mieux de prier, de réunir deux prières dans la mosquée que chaque personne prie dans la maison à cause du fait qu'ils ne peuvent pas sortir pour l'Isha parce que c'est trop froid ou que c'est trop noir ou des raisons comme ça. Donc le cheikh il dit que la salat, de faire les deux salats ensemble dans la prière, c'est mieux que de prier individuellement dans nos maisons, selon l'accord de tous les imams qui permettent de faire la réunion de deux prières ou de réunir deux prières, comme l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad. Et ça c'est donc les paroles de Ibn Taymiyyah. Et ensuite il dit ومن يباح له الجمع فالأفضل له أن يفعل الأرفق به من جمع تأخير أو جمع تقديم والأفضل بعرفة جمع تقديم بين الظهر والعصر وبمزدلفة الأفضل جمع التأخير بين المغرب والعشاء لفعله صلى عليه الصلاة والسلام. الشيخ الزكي c'est permis de réunir pour celui qui pour qui c'est permis de réunir deux prières, c'est mieux pour lui de faire ce qui est le plus léger pour les gens, donc c'est-à-dire de réunir les prières soit en avance ou soit en retard, comme on dit, soit qu'il avance une prière dans le temps de la première ou bien qu'il recule l'autre dans le temps de la deuxième. Et il dit que le mieux lorsqu'on fait le Hajj Arafah, lorsqu'on est à Arafah, c'est de prier les deux prières en avance. Donc il fait le Zohr et l'Asr en avance, c'est-à-dire dans le temps de Zohr, il fait Zohr et l'Asr ensemble. Et à Muzdalifa, le mieux c'est de retarder. Donc il réunit Al-Maghrib et l'Isha et il les retarde les deux, il les fait les deux au temps de l'Isha. Et ça c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a fait d'après ce qui est rapporté selon Abi Ayyub dans Al-Bukhari et Muslim. Ensuite il dit وجمع التقديم بعرفة لأجل اتصال الوقوف وجمع التأخير بمزدلفة من أجل مواصلة السير إليها. Donc on réunit en avance à Arafah pour yani arriver à rester à debout dans Arafah pour faire le dua et pour se concentrer à les actes d'adoration qu'on doit faire là-bas. Et ensuite, on retarde pour Muzdalifa al-Maghrib al-Isha pour justement pouvoir partir vers Muzdalifa et arriver là-bas à temps et tout. Donc ça c'est les règles en ce qui concerne le fait d'avancer et retarder les prières dans le Hajj. Et ensuite il dit وَبِالْجُمْلَةِ تِفَى الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَتَيْنِ فِي عَرَفَةٍ وَمُزْدَلِفَةٍ سُنَّةٍ وَفِي غَيْرِهِمَا مُبَاحٌ يُفْعَلُ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَإِذَا لَمْ تَدْعُ إِلَيْهِ الْحَاجَةُ فَالْأَفْضَلُ لِلْمُسَافِرِ أَدَاءُ كُلِّ صَلَاةٍ فِي وَقْتِهَا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في أيام الحج إلا بعرفة ومزدلفة ولم يجمع بمنى لأنه نازل وإنما كان يجمع إذا جد به السير وهذا نسأل الله للجميع التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. Le Cheikh il dit en général de réunir deux prières ensemble à Arafah et à Muzdalifah, c'est une sunnah. Et dans les autres cas en dehors du Hajj, c'est permis de le faire pour quelqu'un qui en a besoin. Et celui qui n'a pas besoin de le faire, ben dans ce cas-là, le mieux pour lui, c'est de prier chaque prière dans son temps, même s'il est voyageur. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas réuni les prières ensemble dans le Hajj, excepté lorsqu'il était à Arafah et à Muzdalifah, et il n'a pas réuni les prières lorsqu'il était à Mina, parce qu'il était, disons, résident, c'est-à-dire dans le sens qu'il restait sur place, il n'était pas en mouvement lorsqu'il était à Mina. Donc il réunit les prières uniquement lorsqu'il doit bouger durant son voyage. Donc il dit on demande à Allah de nous donner à tous le succès dans la bonne connaissance bénéfique et dans les bonnes actions. Ensuite il a un chapitre sur Salatul Khawf, hein, on va expliquer ce chapitre en ce qui concerne la prière de la peur ou de la crainte. Et puis on va s'arrêter là par la suite, Inch'Allah. Le Cheikh il dit رابعاً صلاة الخوف تشرع صلاة الخوف في كل قتال مباح كقتال الكفار والبغاة والمحاربين لقوله تعالى وإن خفتم أن يفتنوكم الذين كفروا وقيس عليه الباقي ممن يجوز قتاله ولا يجوز صلاة الخوف في قتال محرم. الشيخ الزي comme quatrième catégorie de prières pour les gens qui ont une excuse, c'est les gens qui ont peur, la prière de la peur. Et il dit que c'est permis de faire la prière de la peur pour chaque combat dans lequel on combat, par exemple, les koufars ou les bourrates ou les muharibines, les gens qui sont en guerre contre les musulmans, ou les, disons, les gens qui combattent contre les dirigeants ou qui font des désordres dans le pays. Donc pour ces gens-là, si c'est permis de les combattre, alors c'est permis dans ce cas-là de faire la prière de la crainte. Et il dit que il y a un verset comme le verset 101 que dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et si vous craignez que les kuffars vous éprouvent ou bien vous fassent une fitna, alors donc c'est un rapport avec ce verset là. Et après il dit qu'on peut également appliquer on peut faire une analogie entre ça et le reste de ceux qu'on a le droit de combattre. Et le cheikh il dit que il n'est pas permis de faire la prière de la crainte lorsque quelqu'un combat dans un combat qui est haram, un combat qui est illicite ou illégal, non permis selon la charia. Et le cheikh il dit: et la preuve wa dalil ala mashru'iyyat salat al-khawf al-kitab wa as-sunnah wa al-ijma'. قال الله تعالى: واذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وليأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. Le cheikh il mentionne ce verset-là qui est le verset 102 dans Sourate An-Nisa. Il dit donc que la preuve de la permission de prier la prière de la crainte, elle est supportée par le Coran, par la Sunna et par le consensus des ulama de l'islam. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit donc dans ce verset-là, qui est le verset 102, et lorsque tu te tiens parmi eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsque tu es, Allah ça parle du prophète, il dit: et lorsque tu es avec eux et que tu as établi pour eux la salat, alors qu'un groupe d'entre eux prie avec toi et qu'ils prennent leurs armes, et lorsqu'ils se prosternent, qu'il y ait un autre groupe derrière eux qui n'ont pas prié, alors lorsqu'ils ont terminé, alors que l'autre groupe qui n'ont pas prié prie avec toi, et qu'ils prennent leurs précautions et leurs armes. Donc ça c'est le verset 102 dans Sourate An-Nisa. Et le cheikh il mentionne ensuite, il dit: قال الإمام أحمد رحمه الله صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من خمسة أوجه أو ستة كلها جائزة. Cheikh il dit que l'imam Ahmed a dit que il a été rapporté authentiquement, la prière de la crainte a été rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentiquement de 5 ou 6 différentes façons qui sont toutes permises ou toutes correctes. Et le cheikh il dit: فهي مشروعة في زمنه عليه الصلاة والسلام وتستمر مشروعيتها إلى آخر الدهر وأجمع على ذلك الصحابة وسائر الأئمة ما عدا خلافا قليلا لا يعتد به. الشيخ il dit que la permission de faire la prière de la crainte, elle continue jusqu'à la fin des temps, et les sahaba et tous les imams sont tous d'accord là-dessus, excepté un petit désaccord qui ne compte pas vraiment, et donc on n'y porte même pas attention. Ensuite le cheikh il dit: وتفعل صلاة الخوف عند الحاجة إليها سفرا وحضرا إذا خيف هجوم العدو على المسلمين لأن المباح لها هو الخوف لا السفر. Le cheikh il dit, on peut faire la prière de la crainte lorsqu'on a un besoin de le faire, qu'on soit en voyage ou qu'on soit pas en voyage. Et le cheikh il dit que ça c'est lorsqu'on a peur qu'un ennemi attaque les musulmans. Et il dit que ce qui le rend permis, ce n'est pas le voyage, mais c'est la crainte. Le cheikh il dit wa salatul khawf. Il dit lakin salatul khawf في الحضر لا يقصر فيها عدد الركعات وإنما تقصر فيها صفة الصلاة وصلاة الخوف في السفر يقصر فيها عدد الركعات إذا كان رباعية إذا كانت رباعية تقصر فيها الصفة وتقصر فيها الصفة. Donc le cheikh il explique quoi, il dit que la prière de la crainte lorsqu'on n'est pas en voyage, on ne diminue pas le nombre des rakat. Et qu'est-ce qu'on diminue? C'est uniquement la description de la prière. Toutefois, la prière de la crainte dans le voyage, eh bien, pour lorsqu'on est en voyage, dans ce cas-là, on diminue le nombre des rakat et également on diminue la description de la prière aussi. Donc le cheikh il dit wa tushra'u salatul khawf bi shartayn. Il dit il y a deux conditions pour pouvoir avoir le droit de faire la prière de la crainte. الشرط الأول أن يكون العدو يحل قتاله كما سبق. Premièrement, la première condition c'est que l'ennemi qu'on combat, eh bien, qu'on ait le droit et qu'il soit légitime et permis de le combattre, comme on l'a déjà expliqué. Deuxièmement, الشرط الثاني أن يخاف هجومه على المسلمين حال الصلاة. Cheikh il dit que la deuxième question c'est qu'on ait peur que l'ennemi nous attaque lorsque les musulmans sont en train de faire la salat. لقوله وإن خفتم أن يفتن أو أن يفتنكم الذين كفروا. Ça c'est le verset 101 dans sourate An-Nisa. Lorsque vous avez peur que les kuffars vous éprouvent, hein? Donc ça c'est le verset 101 dans sourate An-Nisa, puis ensuite le verset numéro 102, le celui qui vient après, il dit وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِهِمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَصْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً. Les koufars aimeraient que vous laissiez vos armes et vos affaires sans faire attention, comme ça ils pourraient tous vous attaquer d'un seul coup. Donc ça veut dire prenez garde, gardez vos armes et gardez vos affaires pour pas vous faire surprendre par l'ennemi. Ensuite le cheikh il dit ومن صفات الصلاة الخوف ومن صفات الصلاة الخوف الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل ابن أبي حثمة الأنصاري رضي الله عنه وقد اختار الإمام أحمد العمل بها لأنها أشبه بالصفة المذكورة في القرآن وفيها احتياط للصلاة واحتياط للحرب وفيها نكاية بالعدو وقد فعل عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة في غزوة ذات الرقاع وصفتها كما رواها سهل وهي. Donc le cheikh il dit que il y a différentes descriptions des prières de la crainte qui sont rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y a celle-là qui est de Sahl ibn Abi Hathma al-Ansari radiyallahu anhu, et l'imam Ahmad il l'a choisi pour l'appliquer parce que il dit que c'est celle qui ressemble le plus à celle qui est dans le Coran, et donc elle prend en considération la prière dans toutes ses règles et dans la guerre. Et il y a également dans cette description là un point fort contre l'ennemi. Hein, un point fort contre l'ennemi. Et il dit également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cette méthode de prière de la crainte durant la bataille de Zat al-Riqa. Et la description de cette prière est telle qu'elle est décrite dans le hadith. Il dit qu'un groupe se met en rang avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tandis que l'autre groupe est devant l'ennemi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prie une raka'a avec la rangée qui est derrière lui, puis ensuite il reste debout et les gens continuent leur prière toute seule. Puis qu'est-ce qu'ils font? Ils se déplacent, ils se tournent, hein, ceux qui ont fini de prier se tournent et ils font un rang devant l'ennemi à leur tour. Et l'autre groupe qui n'a pas encore prié, qui était devant l'ennemi, retourne maintenant pour prier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam une autre raka'a, hein, qui lui manquait de sa prière. Puis ensuite il reste assis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam reste assis et les autres continuent leur prière pour eux-mêmes, puis il fait le taslim avec eux. Donc ça c'est rapporté par البخاري ومسلم. ensuite il dit ومن صفات صلاة الخوف ما روى جابر قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا صفين والعدو بيننا وبين القبلة فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبرنا ثم ركعنا أو ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع فرفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود قام الصف الذي يليه وانحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وكان مؤخرا في الركعة الأولى وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى صلى الله عليه وسلم السجود قام الصف الذي يليه وانحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا رواه مسلم. Donc ça c'est un deuxième exemple comment le prophète صلى الله عليه وسلم avait fait salatul khawf, et c'est le hadith de Jabir radiallahu anhu qui est rapporté selon Muslim. Il dit qu'il a assisté à la prière de la crainte avec le prophète صلى الله عليه وسلم. Il dit qu'ils se sont mis en deux rangs, les sahabas se sont mis derrière le prophète صلى الله عليه وسلم en deux rangs derrière lui, et il dit que l'ennemi était entre eux et la Qibla. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le takbir et tous les autres ont fait le takbir. Alors il dit que ils ont fait ensuite il a fait l'inclinaison et tous les autres ont fait le recours. Ensuite il a relevé sa tête, alors les autres ont relevé leur tête. Ils se sont relevés du recours. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est prosterné. Et le rang qui était tout de suite derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est prosterné, tandis que l'autre rang qui était derrière le premier, le deuxième rang, eux sont restés debout face à l'ennemi. Alors lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé le sujoud, de faire les sujouds, le deuxième rang, le rang qui était derrière le premier rang qui est derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lève et le premier rang se lève et l'autre rang maintenant eux se prosternent. Le deuxième rang c'est eux maintenant qui se prosternent et ils se relèvent. Puis qu'est-ce qui se passe par la suite? C'est que le deuxième rang prend la place de devant, prennent la place du premier rang, et le premier rang prennent la place de derrière. Ensuite, ils font le recours, et ils font le recours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait le recours et ils font le recours ensemble. Ensuite ils se relèvent du recours et ils se relèvent tous ensemble du recours. Puis ensuite ils descendent avec le premier rang pour faire le sujoud, et le rang qui est derrière, il reste debout face à l'ennemi. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé de faire le sujoud, le rang qui est derrière lui se lève. Et là, il change encore de place avec le rang qui est derrière. Hein, celui qui était derrière prend le devant. Ils vont à la place du premier rang. Et celui qui est au deuxième, au premier rang prend la place du deuxième rang. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait le sujoud et il fait le taslim. Ils font le taslim tous ensemble. Ensuite, le cheikh dit « Wa min sifat salatul khawf ma rawahu ibn Umar radiyallahu anhuma » قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة وسجدتين والأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم سلم ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. Donc ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et c'est la version de Muslim. Il dit que une autre version qui est rapportée par Ibn Omar radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié la prière de la crainte avec un des deux groupes, une raka'a et deux sajda, deux prosternations, et avec l'autre qui était en face de l'ennemi. Alors ensuite ils se sont déplacés et ils se sont mis à la place des autres qui étaient devant l'ennemi, hein? Et le premier groupe qui était devant l'ennemi, qui n'avait pas prié, il vient et le prophète sallallahu alayhi wa sallam prie avec eux une raka'a et il fait le taslim. Et ceux qui n'ont pas fait l'autre raka'a, eh bien ils prient une raka'a toute seule, et les autres font une raka'a toute seule aussi, séparément, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait deux raka'a et l'autre groupe a fait une raka'a, donc il leur manque chacun une raka'a. Donc le premier groupe fait une raka'a, puis l'autre fait ensuite une deuxième raka'a. Comme ça, ils ont tous complété leur prière. Ensuite, le cheikh dit « Wa min sifat salat al-khawf » أن يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بها رواه مسلم non رواه أحمد وأبو داود والنسائي. Donc ça c'est un hadith rapporté par Ahmed, Abu Daoud et Al-Nasa'i, qui dit qu'une des descriptions de la prière, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait une prière avec chacun des groupes et il faisait le taslim. Donc ça veut dire qu'il divisait les gens en deux groupes, il priait avec un groupe, il faisait le taslim, et puis quand ce groupe-là avait fini, il prenait l'autre place, les autres surveillaient l'ennemi, et l'autre groupe faisait la prière et le taslim au complet. Donc c'est comme s'il y a deux groupes qui prient une prière au complet, deux fois chaque. Et ça c'est sahih, Cheikh Al-Albani l'a déclaré sahih. Ensuite il dit « Wa min sifat salat al-khawf »« Ma rawahu Jabir » وقال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع إلى أن قال فنودي للصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين قال فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان متفق عليه. Donc Al-Bukhari et Muslim ont rapporté ça selon Jabir. Une autre description de la prière de Salat al-Khawf, ils ont dit on a prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la bataille de Dhat al-Riqa'. Ils ont dit on a appelé à la prière et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié avec un groupe de raka, puis le groupe s'est reculé, puis il a prié de raka avec le premier, avec un autre groupe, puis donc ça veut dire que tous les deux groupes ont prié deux raka'a et le prophète lui sallallahu alayhi wa sallam en a prié quatre. D'accord. Donc c'était une autre description. Et le cheikh il dit ensuite وهذه الصفة أو هذه الصفات تفعل إذا لم يشتد الخوف وإذا فإذا اشتد الخوف بأن تواصل الطعن والضرب والكر والفر لم يمكن تفريق القوم صلاة وصلاتهم على ما ذكر وحان وقت الصلاة صلوا على حسب حالهم رجالا وركبانا للقبلة وغيرها يومئون بالركوع والسجود حسب طاقتهم ولا يؤخرون الصلاة لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا أي فصلوا رجالا أو ركبانا والرجال جمع راجل وهو الكائن على رجليه ماشيا أو واقفا والركبان هو جمع راكب. Le cheikh il dit donc que toutes ces descriptions là on les fait seulement lorsque il n'y a pas une crainte qui est dure ou qui est très forte. Mais s'il y a une crainte qui est forte, et bien dans ce cas là comme par exemple que on s'est fait blesser ou attaquer fort, ou bien qu'on est en train de fuir ou des choses comme ça, alors dans ce cas là si on est tous divisés ou séparés et que c'est pas permis de prier comme on a fait, comme de séparer les gens en deux groupes, alors, et que la prière est proche, et que le temps de la prière est rentré, alors qu'est-ce qu'on fait? On prie chacun selon notre situation, qu'on soit debout ou qu'on soit sur notre monture, que ce soit dans la direction de la Qibla ou non. Et on fait les gestes de recours et de soujoud selon notre capacité. Et le cheikh il dit on ne retarde pas la prière parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans sourate al-Baqarah si vous avez peur ou si vous craignez, alors priez que vous soyez debout ou bien que vous soyez sur une monture. Et le cheikh il dit donc que de prier debout, rijalan, ça veut dire, c'est rijalan, c'est le pluriel de rajil, et ça veut dire être sur ses deux jambes, et que ce soit en marchant ou que ce soit lorsqu'on est debout sur place. Et rukbanan, c'est le pluriel de rakib, ça veut dire lorsque tu es monté sur une monture ou sur quelque chose, un moyen de transport quelconque. Et le cheikh il dit وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُحْمَلَ مَعَهُ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ مِنَ السِّلَاحِ مَا يَدْفَعُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ وَلَا يُثْقِلُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلْيَأْخُذُوا أَصْلِحَتَهُمْ Sourate An-Nisa, le verset 102. Le cheikh il dit c'est recommandé de prendre une arme avec toi lorsque tu fais la prière de la crainte, pour te défendre toi-même si tu en as besoin et que c'est pas trop lourd. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit et prenez vos armes. Ça c'est dans le verset 102 dans sourate An-Nisa. Wa mithlu shiddati al-khawf halatu al-harab min aduwin aw saylin aw sab' aw sab'in aw khawfi fawati aduwin yatlubuhu fayusalli fi hadhihi al-hala راكبا أو ماشيا مستقبلا القبلة أو مستقبل القبلة وغير مستقبلها يومئ بالركوع والسجود. Le cheikh il dit que un autre exemple de dure crainte, de crainte très forte, c'est par exemple lorsque tu t'enfuis d'un ennemi ou bien lorsque tu as peur de quelque chose, yani d'une bête sauvage ou une crainte de manquer un ennemi ou quelque chose comme ça, un ennemi qui te court après ou quelque chose comme ça, alors dans ce cas-là tu pries que tu sois debout en train de marcher ou sur une monture, peu importe, en direction de la Qibla ou non, c'est pas important, tu fais les gestes de recours et sujoud selon ta capacité avec ta tête, tu fais juste un signe comme ça en bougeant ta tête sans faire le recours et le sujoud comme tu dois le faire d'habitude. Et le cheikh il dit wa yustafad aw wa nastafidu min salat al-khawf أو غير هذه الكيفيات ونستفيد من صلاة الخوف على هذه الكيفيات العجيبة والتنظيم الدقيق أهمية الصلاة في الإسلام وأهمية الصلاة الجماعة بالذات فإنهما لم يسقط أو لم يسقط في هذه الأحوال الحرجة كما نستفيد كمال هذه الشريعة الإسلامية وأنها شرعت لكل حالة ما يناسبها كما نستفيد نفي الحرج عن هذه الأمة وسماحة هذه الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان نسأل الله أن يرزقنا التمسك بها والوفاة عليها لأنه سميع مجيب. Donc ça y est, ça c'est la fin de ce dars aujourd'hui et puis inshallah on continuera la semaine prochaine avec le dars de Ahkam Salatul Jumu'ah, les règles de la prière du vendredi, inshallah. Donc on s'arrête ici. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.